Je m'appelle Daniel Edelman et au nom de la Fondation Henri et Rose Perlman, je voudrais vous remercier d'être venu voir cette exposition. Henri Perlman s'était entouré d'art. Il voyageait, toujours à la poursuite de nouvelles acquisitions pour sa collection. Il se rendait dans les lieux auparavant fréquentés par les artistes et recherchait la compagnie de leurs amis pour en apprendre plus sur les artistes et leurs méthodes. Les murs de sa maison et de son bureau portaient le résultat de cette quête. En tant que collectionneur, il eut la chance de vivre une expérience accessible à peu d'entre nous. Il a pu passer des heures et des années en compagnie d'une seule œuvre d'art, l'absorbant au fil du temps, y percevant des changements comme si elle était vivante, venant à connaître l'œuvre presque aussi intimement que l'artiste qui l'avait produite. Henri Perlman prêtait également généreusement les œuvres de sa collection, aussi enthousiaste de la partager que de ce qu'il pourrait apprendre de sa juxtaposition avec d'autres œuvres en la prêtant pour les expositions. La mission de la Fondation Henri et Rose Perlman, dont il est à l'origine, est d'élargir la portée de l'art à un plus grand public et d'approfondir notre expérience personnelle de l'art tout en conservant les œuvres originales pour ses audiences futures. Cette tournée, la première en plus de 35 ans, et la première fois que la collection voyage au-delà du nord-est des États-Unis, a pour but d'apporter ses œuvres d'art majeures dans de nouveaux endroits et devant de nouvelles audiences. Les visiteurs des 5 musées hôtes se retrouveront en compagnie d'artistes impressionnistes visionnaires à leurs moments les plus modernes. Nous espérons que cette publication, ainsi que les sites internet qui lui sont associés, permettront de prolonger l'expérience des visiteurs et peut-être, en éliminant les contraintes de temps et de lieu, de leur faire approcher le délice de la découverte sans cesse renouvelée dont jouit le collectionneur. Ces ressources, sous forme imprimée ou électronique, sont le résultat d'une inestimable collaboration entre l'Université de Princeton et son musée d'art et ont bénéficié de l'apport de nouvelles recherches. Elles resteront en endroit à revisiter longtemps après le retour des œuvres à leur institution d'origine.